sur la planète Terre. Mon rap est élémentaire, la base notaire magnifique, c'est sans commentaire. Alors dis-moi comment faire pour que Tizo puisse se taire. Quand on épuise ses terres, massacre des tripes, pollue les mers, il en a marre de voir les gaspillages des forêts. Des arbres détruits, les animaux doivent s'échapper de leur foyer. Mais voyez-vous, cela, ça touche même les tribus d'Amazonie. Pendant ce temps, le gouvernement s'enrichit. Petit à petit, ça commence à me saouler. Je sens que moi et mes frères allons sortir cagoulés. Que voulez-vous que je fasse de plus, ça part le combattre. Mais où est donc l'ennemi que je puisse le connaître? Sa façon d'agir me paraît malhonnête. Fallait que j'en parle, sa façon de diriger la planète me donnait mal à la tête. Bref, si vous le voyez, je vous conseille de l'éloigner. Car l'argent, votre malheur, c'est son intérêt. Au bon vieux rap classique, on ressuscite des classes, cette magique est magique. Il faut que tu l'acceptes comme un vinyle. Je tourne en vent dans la ville, j'assume la putain de réalité. Parfois c'est pas facile, j'assassine les secondes avec un bédo. C'est pour sur un pas, je sors le zippo. Rallume la flamme du bon vieux temps, passe des frères qui ne savent pas quoi faire. Cherche à se débarrasser de ce putain de traîne. Vie en emplaine, qu'il faut qu'on focalise nos forces comme une fusion. Pour qu'on s'en sorte tous sans illusion ni contusion. Mon rap pue la rue mais n'est pas dégueulasse. Le mental est mon âme, j'donne même au rap sont mes rêves, si mes vrais dits le savent. Happy MC bedard comme des Jamaïcains. Si tu n'aimes pas ma zig, rien à battre, c'est pas dramatique. Je cherche le fric pour la Miva. Reste authentique pour ceux qui savent, c'est Riga 1. Yeah. Au microphone, sera la Wii du xélophane, amateur ou professionnel, et Massi ou Marie-Jean, classique ou au school, j'ai dit là, oublie de boule, sur un PC ou SP 1200, Tizo est ma boule, non, t'es que d'un, la musique a endoctriné tous mes moyens, je me vois plus vivre comme un simple citoyen, je construirai un paradis musical sur mon chemin, mais n'oublions pas toutes les personnes qui veulent un bout du butin, c'est radical, je fais de la place à ceux qui le méritent, entre dans la saille, facile la façon que nous vivons, l'irrite, mais putain de merde, je pète les plans. Pas de révolution, faut-il vraiment exterminer toute ta famille? Pour te montrer que ce que tu vis n'est pas une démocratie, plutôt une aristocratie gouvernée par des racistes égoïstes. Demande à Rika, moi je trouve ça triste. Aïe, ah, franchement, je kiffe. Ouais, thanks, aïe, man. Toi aussi, big up, aïe. On a fait un bon truc, man. Je suis content, franchement, je suis naturel, quoi.